L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous. Vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Et puis ce matin, là, nous allons faire la connaissance d'un couple, légèrement particulier. À 29 ans, Alexandra est le premier grand amour d'Eddie, 19 ans. Leur rencontre en boîte de nuit il y a 8 mois a changé leur vie. C'est moi qui l'ai dépucelé, quoi. C'est mignon alors. Mais c'est glamour. Hein. Mais comme toujours, quand je vous parle d'amour, évidemment, parce qu'il s'agit bien d'amour, il y a un problème qui tue ce couple, justement. Et ce problème, c'est la jalousie. Et Eddie, évidemment, est très, très, très, mais alors très jaloux. Tu veux pas voir un film. Tu vois un acteur, un bel homme par exemple, bon, tu t'en fous, tu regardes le film. Il va changer la chaîne alors que tu peux même pas suivre l'histoire parce qu'il est jaloux du gars qui joue. Et oui, il est jaloux de la télé. C'est génial. Mais attends, mais ça va plus loin encore quand Alex écrit un message sur Facebook. Love, Jean-Jacques. Oh, love. Heureux anniversaire. Parce que je marque love. Et je vais pas marquer gros c'est bisous. Mon idole. Gros bisous. Enlève love. Et non, je te dis. Bah, tu vas te supprimer, de toute façon, tu vas vite te supprimer. C'est Jean-Jacques, t'as pas à être jaloux de Jean-Jacques. Eh oui, c'est Jean-Jacques. Mais alors, Jean-Jacques, évidemment, à votre avis, qui est ce Jean-Jacques? Bah, ça doit être un pote. Goldman. Jean-Jacques, je sais pas. Ouais. C'est ton meilleur ami? Ton meilleur ami? Eh bien, pas du tout. L'homme avait raison, c'est Jean-Jacques Goldman. Ah. Oui, le mec est jaloux de Jean-Jacques Goldman. Ah ouais, c'est un vrai dingue. Jean-Jacques, voilà. Et il est tellement chiant avec sa meuf, en fait, qu'en boîte, il se fait sortir par le videur. Il a accepté de venir en boîte de nuit. Il a promis à Alexandra de se contrôler et de la laisser danser. La pression est trop forte. Il me tire mal. C'est mon copain, mais il est très jaloux. Et... Ouais, détends, jaloux. C'est bon. Et voilà, allez, casse-toi. Ah, c'est beau l'amour quand même. Tu te détends, c'est bon. Ouais, c'est ça, tu vas te détendre, t'as compris. Bon, allez, 7h17. J'espère que vos mecs sont pas comme ça, parce que sinon, bon courage. Quoique les filles peuvent être comme ça aussi, bon courage quand même. Ouais. Enfin. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. Exactement. Et on va jouer avec Marie, 23 ans de Soumagne. Salut Marie. Salut. Comment vas-tu Marie? Super. Bon, tant mieux Marie. Alors on va jouer au ni oui ni non ni. Vous verrez bien, le concept est relativement simple. Il faut donc avoir la conversation la plus logique possible avec Aline. Et Dieu sait qu'elle n'a pas grand chose à dire. Oh là là. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on me rabaisse. Non mais c'est vrai, il faut dire ce qui est. C'est vrai qu'elle n'a pas une grande conversation, hein. Faut dire ce qui est. La dernière fois que j'étais boire un verre avec elle, elle a quand même discuté avec un poteau. Ouais. Donc elle était bourrasse. Elle était bourrasse, c'est vrai aussi, c'est vrai. Moi je me suis entraînée. Hein. Ah, tu t'es entraînée en plus Marie. Parfait Marie. Alors attention, il ne faut pas dire oui, il ne faut pas dire non, il ne faut pas dire là. Là. L-A. Quoi? Là. Là. Quoi? Là, là, là. Attends, je note. Attends, je note. Bah note, mais si tu veux. Facile. Oui, voilà. Ni là. Oui, ni non, ni là. L-A. D'accord? D'accord. Allez, c'est parti. Une minute. Si tu gagnes, c'est l'iPod. Si tu perds, bah forcément, tu repars les mains vides. Bonne chance. Marie? D'accord. Oui, non, quoi? Voilà, non. C'était eh oui, les deux dans la même phrase. Eh oui. Marie. Attends, non, je suis pas d'accord du tout. Je voudrais qu'on recommence parce que j'étais prise au dépourvu parce que j'étais en train de voter. Bon, allez. Allez. C'est entraîné, on peut. Je suis bon prince, c'est vrai. Je suis bon prince. On y va. Attention, c'est parti. Tu es trop bon. Marie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien de spécial. Que fais-tu aujourd'hui? Je fume une cigarette. Tu fumes beaucoup? Pas trop. Et toi? Pas du tout. T'es sûr? Tout à fait. Tu travailles? Ouais, j'habite où? J'habite Bruxelles. Et toi? Je suis infirmière. D'accord. Et tu travailles? Petit copain? Absolument. Tu l'aimes beaucoup ou pas? Pardon? Tu l'aimes beaucoup ou pas? Voilà, tout à fait. C'est sûr? On me perturbe ici. C'est et sûr? Toi, tu as un copain? Un mari? Pas encore. Tu cherches? Pas encore. Tu vas sur des réseaux sociaux? Pas du tout. Et voilà. Malheureusement, oui. Effectivement, tu t'étais bien entraîné, mais ouais, oui, ça n'a pas suffi malheureusement. Une minute et en une minute, vous n'avez pas réussi. Enfin, vous êtes neutralisés toutes les deux malheureusement. Ouais. Donc c'est perdu quand même. C'est dommage, c'est dommage. Mais c'était bien joué, Marie. Bah oui, puisque là, t'as pas réussi à lui faire dire oui, non ou là. Et ça, c'est le but, c'est que toi, tu ne le dises pas, mais que elle y arrive. C'est à moi qu'elle devait faire ça. Mais c'est les deux. C'est les deux. Non, Marie, on fait le jeu. On fait le jeu. On fait le jeu tous les jours, Marie. Bon, fume pas. On fait le jeu depuis un an. C'est pas comme si c'était un nouveau jeu. Elle a eu quelques rancunes. Je suis pas d'accord. Non, mais Marie, tu n'es pas d'accord, mais moi, je suis d'accord avec moi-même. Allez, bonne journée, Marie. Non, mais attends. Comment ça se passe? Bon, on va reprendre Marie en antenne. On va lui réexpliquer la règle, parce qu'on va faire l'envers de fois. Mickaël à la radio. Le replay. Tous les matins. Morning show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. On va donc appeler maintenant à Beauvallon pour cette petite question existentielle. Mais quelle est cette question existentielle, justement ? Eh ben, c'est simple, moi je me suis demandé ce matin si pour tuer le temps, il fallait venir armé de patience. Exactement. Évidemment. Donc on va appeler donc pour se renseigner, quoi. Ben voilà, allons-y. Bon, eh ben c'est parti. Attends, s'il faut que je compose d'abord. Voilà. Hop là, c'est parti. Direction Beauvallon. Ah. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que j'avais une petite question à vous poser. C'est qui ça, c'est François ? Ah non, pas du tout, c'est Toff. Et en fait, voilà, je vous appelais parce que je me demandais si vous pensiez que pour tuer le temps, il fallait s'armer de patience. Mais vous avez vu l'heure ? Bah oui. Bah écoutez... Je pense que vous pouvez retourner dormir et éviter de me réveiller. Oui, voilà. Mais ça répond pas à ma question, ça. Oui, mais je pense qu'elle s'en fout, hein. Je pense qu'elle s'en fout complètement, justement. Donc, ça, c'est vraiment dramatique, c'est dommage. On va donc la rappeler, c'est pas grave. Ils te disent tous d'aller dormir, je sais pas si tu remarques. Ouais, j'aimerais bien. Aujourd'hui, hein. Bah, ouais, mais non. Hein. Ah, merde. Allez, retour à Beauvallon maintenant. Voilà. Ça sonnerait bizarre. Allez. Allô. Oui, bonjour monsieur. J'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Je suis chez qui là? Bah, je suis Toff. Et vous êtes qui? Bon, ben, alors tu arrêtes de faire chier autour de moi. Mais en fait, moi je voulais juste poser une question. J'ai pas à vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée. Oui, mais ça répond pas à ma question, ça. Il a l'air encore endormi, lui. Ah, pas, je m'en fous carrément. Je décroche. Ciao. Il est pisse. Ah, lui, mais... il dormait. Hein. Lui, c'est clair et net, il était en train de roupiller, je vous le dis. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi ? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Direction la ligne en Turelou, les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 0013. Tu ne réponds jamais, mon amour. Et alors ? Bon, j'ai envie de toi. Bisous. Mais tu ne réponds jamais, mon amour. Mais voilà, c'est le genre de conversation que Toff a avec Aline. Oui, bien sûr. C'est comme ça que je la réveille le matin. Voilà, il faut te réveiller, mon amour. J'ai de bonne humeur, évidemment. Allez, message suivant, on écoute. Oui, bonjour, j'ai discuté avec toi sur Cocoland une fois, donc si tu peux me rappeler, merci. Sur Cocoland. Mais c'est quoi Cocoland ? Bah je sais pas, mais va voir hein, si tu veux. Alors Google. Tu vas voir sur Cocoland, voir si le truc est plutôt sympa. Mickaël à la radio, le replay.